Deux mots juste pour me présenter, puis je passe la parole à Laure qui va commencer. Donc pour simplement dire qui porte au niveau de la structure, donc l'Institut Négawatt, c'est une structure qui dépend de l'association au départ, qui est née de l'association Négawatt. Donc c'est une filiale à 100% de l'association, donc une structure qui finalement réinvestit l'ensemble de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle peut dégager dans le projet associatif. Donc le projet associatif de l'association Négawatt étant d'aller vers un système énergétique soutenable. Voilà, ça c'est la logique, je dirais, de notre travail. Et donc on fait on va dire dans nos activités principales, mis à part la formation professionnelle, on travaille beaucoup sur les accompagnements d'acteurs dans le cadre de projets pilotes pour rendre possible finalement des réductions de consommation, des productions d'énergie renouvelable sur les territoires. Et donc l'idée, c'est d'arriver à rendre possible les jolies trajectoires vers des systèmes énergétiques durables qu'on dessine dans nos scénarios. De toi. Oui, donc moi, alors Charpentier, je travaille donc pour Biovallées, projet porté par trois communautés de communes. Donc vous voyez un petit peu le territoire, donc dans la Drôme, en Rhône-Alpes, un territoire rural. Et donc ces trois communautés de communes se sont posées la question de l'énergie sur le territoire. Et lorsque on a dit à nos élus que la facture annuelle de dépenses énergie, tous acteurs confondus, était de l'ordre de 170 millions d'euros par an qui s'envolent du territoire, qui ne génèrent pas de retour économique, ça a motivé pour aller regarder de plus près quels étaient les enjeux et les actions qu'on pouvait mener. Sur la question du logement, c'était assez vite posé, du coup, la problématique, puisque partant d'une ambition territoire énergie positive d'ici 2040, doublée d'un parc de logement très typé maison individuelle, puisque c'est 80% de notre forme de logement, des nombres de logements, un niveau de revenu faible, mais une force vive de 500 artisans sur le territoire, la question était comment rénover en basse énergie, en basse consommation, 600 maisons par an entre 2020 et 2040. C'est le rythme auquel on doit être si on veut atteindre nos objectifs et endiguer durablement la question de la précarisation énergétique de nos ménages. Donc c'est un beau défi et le pari qu'on fait et ce sur quoi on travaille avec l'Institut Négawatt, c'est donc cette solution Doremi, dispositif opérationnel de rénovation énergétique de la maison individuelle. Donc on le dit une fois, après on dit Doremi. Et donc ça part d'une analyse et d'un pari commun avec l'Institut Négawatt et le bureau d'études Enertech, autour duquel sont catalysés les acteurs dont vous voyez les logos ici, notamment les partenaires organisations professionnelles et des centres de formation. Alors autour de quoi on était d'accord pour partir ensemble sur ce pari un peu fou de relever le défi de la rénovation performante et en vue d'une massification. Je vais les passer un petit peu en revue, ces éléments-là. D'abord, on vient de le dire, des objectifs quantitatifs en phase avec le facteur 4, 600 maisons par an à partir de 2020. On cible la maison individuelle, hein, c'est une problématique spécifique et c'est le problème vraiment du territoire avec 80% de la population qui est dans ces maisons individuelles. Une rénovation ambitieuse. La rénovation à 50 kWh par mètre carré par an pour le chauffage et rien d'autre. Pas de demi-rénovation. C'est poser la question de savoir s'il valait mieux y aller par étapes ou y aller en un seul coup. Doremi, c'est bien le travail autour de comment faire pour que la rénovation performante se fasse en une seule fois. Parce que si on envisage une rénovation par étapes, on se retrouve avec une rénovation au final plus coûteuse, en euros pour le propriétaire, plus coûteuse en temps pour les artisans. Je ne suis même pas sûre qu'on ait la main-d'œuvre pour tout faire. Et puis, très probablement, le fait qu'on s'arrête en route. Donc, on n'arrive jamais jusqu'au bout des derniers travaux à faire pour arriver à la performance. Je vous passe les risques de pathologie. On continue sur les éléments de la partition autour duquel le projet Doremi s'est élaboré. C'est que pour faire tout ça, le parti pris de base, hein, c'est de s'appuyer sur les artisans. C'est bien eux qui sont en relation avec les propriétaires, c'est eux qui sont appelés en premier par les propriétaires lorsqu'ils pensent travaux énergie. Et ça part aussi d'un constat qui est sur le marché actuellement de la rénovation. La part maîtrise d'œuvre versus la part artisan, c'est bien le marché des artisans, ces questions de rénovation des maisons individuelles. Plus le fait que, effectivement, la maîtrise d'œuvre, si elle devait venir sur ces questions de ces projets de maisons individuelles, il y aurait peut-être quelques problèmes de marché et de capacité à faire les quantités. Donc, les artisans sont incités à se regrouper on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est bien l'idée de constituer des groupements pérennes dans le temps. Donc, ils vont développer une compétence. C'est pas un groupement juste pour une maison, puis après un autre groupement juste pour une maison. C'est bien qu'il y ait des groupements qui se constituent et qui développent dans le temps une offre globale portée par le groupement. L'idée aussi, c'est qu'ils ne fassent pas d'études thermiques. Il n'y a pas dans les projets d'Orémy des études thermiques projet par projet. Ils utilisent des solutions techniques de référence, donc les bouquets de travaux, qui eux-mêmes sont le résultat de 4400 simulations thermiques dynamiques, mais ça a été fait une seule fois. Et maintenant, cette grille-là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous montrer un peu la nature de ce dont on parle lorsqu'on parle de solutions techniques de référence. Il s'agit de, pour les artisans qui ont été formés à ça, de savoir comment, par rapport à une maison, et chaque maison est particulière, définir le meilleur bouquet de travaux à mettre en œuvre pour atteindre la performance. L'un ou l'autre de ces 10 bouquets de travaux ont été calculés pour atteindre les 50 kWh par mètre carré par an de chauffage sur un parc moyen. Donc tout l'enjeu, c'est la qualité de la mise en œuvre, c'est la maîtrise des coûts, on y reviendra après. Et pour ça, pas besoin de faire d'études thermiques projet par projet, c'est le parti pris de Dorémy. Donc voilà, il y a 4 bouquets en isolation intérieure, 6 bouquets de travaux en isolation par l'extérieur. Il y a le paramètre de l'étanchéité à l'air qu'on pense pouvoir atteindre dans ce projet-là, parce que ça va être facile, moins facile. La ventilation double flux, on vient d'en parler tout à l'heure, mais vous voyez que sur 8 bouquets sur 10, il y a une ventilation double flux, ça devient absolument indispensable, non seulement en question sanitaire, mais de toute façon pour atteindre la performance. Et après, c'est des histoires de résistance thermique et de performance des vitrages qui font les différentes combinaisons possibles. Donc les artisans, les groupements, sont formés à la mise en œuvre performante des STR, donc à des méthodologies quand on en discutera un petit peu après peut-être. Là, c'est une photo de test d'étanchéité à l'air. Hein. Donc ça, c'est un moment clé de la formation et de tout projet d'Orémy, c'est-à-dire c'est un moment où on mesure les déperditions par les fuites d'air du bâtiment une fois quasi rénové, c'est-à-dire un moment où on peut encore corriger des choses. Là, c'est un test intermédiaire, mais où on regarde la qualité de la mise en œuvre de l'étanchéité à l'air, qui est vraiment un sujet de coordination entre les différents artisans. Et là-dessus, ce jour-là, tout le monde est dans ses petits souliers. Pour le premier test d'étanchéité à l'air que peuvent vivre les artisans, c'est un moment un petit peu intense. Et c'est une grande satisfaction lorsque les résultats, en l'occurrence, sont tombés. Ils sont extrêmement fiers. Un paramètre très, très important pour Dorémy, c'est le parti pris du travail sur les coûts de rénovation, les coûts de travaux au mètre carré. Olivier Sidler, qui est l'expert thermicien, qui a largement aussi impulsé la démarche, prend un seuil de déclenchement d'un marché de masse sur un objectif de coût de travaux au mètre carré. Une action aussi dans le cadre de Dorémy, c'est bien l'accompagnement du propriétaire pour le montage du plan de financement. C'est extrêmement compliqué de mobiliser l'ensemble des dispositifs d'aide et il nous semble absolument primordial que lorsque le propriétaire se voit proposer la solution technique chiffrée, donc avec les devis, les travaux qu'il a à faire sur sa maison, il ait aussi les paramètres de comment cela est finançable entre les aides mobilisables et puis les emprunts éventuellement à faire, l'apport que lui est prêt à mettre. Ça fait partie des paramètres qu'il faut avoir sous les yeux pour pouvoir décider sereinement. Et l'idée étant d'éviter de juste donner de l'information catalogue à un propriétaire qui doit de se débrouiller dans cette jungle, mais bien de lui donner des informations spécifiques à son projet. Et puis d'accompagner ses projets dans la durée pour atteindre les objectifs. Donc pour répondre à la question des coûts, pour l'instant, voici les premiers résultats. On est en phase d'expérimentation. Donc ça a commencé en 2012. En 2012, les artisans ont été formés. 70 artisans, après une réunion d'information, etc., ont décidé de s'impliquer dans trois jours de formation. À l'issue de ces trois jours de formation, il leur a donc été proposé de se constituer en groupement. Dans l'idée, le groupement pérenne, hein, au moins le temps de la formation action, c'est-à-dire cooptez-vous, décidez qui veut travailler avec qui, éventuellement aller chercher les copains qui ne sont pas venus à la première session de formation et envoyez-les dans les deux autres. Et c'est ainsi que se sont constitués non pas 5 groupements comme on avait dimensionné l'opération au départ, mais 7. Sept groupements qui couvrent l'ensemble des corps de métiers nécessaires à une rénovation globale se sont constitués, avec un nombre d'entreprises variable selon les champs de compétences des entreprises, donc entre 3 et 6 ou 7 entreprises par groupement. Il y a un peu plus qu'une douzaine de projets analysés, en tout cas 6 chantiers terminés, 6 en phase de vie, encore des contacts, et un travail sur les coûts qui a permis une diminution substantielle des coûts. Alors que nous, on raisonne en coût de TTC, puisque c'est le budget du propriétaire qui nous intéresse. Donc de 500, 600, 700 euros TTC au mètre carré avant le travail d'optimisation, à aujourd'hui des projets qui sortent entre 380 et 480. Les mécanismes de financement sont peut-être suffisants, mais beaucoup trop complexes d'accès. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Une diversité de propriétaires, finalement, dans le panel des chantiers et des contacts, il y a aussi bien des propriétaires occupants n'ayant pas accès aux aides publiques, hormis crédit d'impôt et certificat d'économie d'énergie, des propriétaires occupants revenus modestes, très modestes, et des propriétaires bailleurs. On n'a pas eu, la question nous a été posée ce matin, on n'a pas de cas où les gens sont carrément plus de marge de manœuvre du tout, même pas se payer leur facture d'énergie actuellement. Voilà, comme disait M. Fèvre, on ne peut pas faire des miracles non plus, donc il y a d'autres dispositifs à mobiliser que ceci. Une diversité de propriétaires et une vraie dynamique territoriale. Je te repasse la main. Bon courage, vous n'avez plus quelques minutes à tenir. Je sens que c'est dur dans la pénombre. Donc à partir de cette expérience-là, l'idée, ça a été de travailler sur finalement une réplication, une petite modélisation de cette dynamique qui avait bien marché, et qui marche bien, on va dire, parce qu'elle se continue aujourd'hui en Biovallée. L'idée, ça a été de la répliquer dans d'autres territoires, et on s'est basé sur cette organisation-là, celle que je vais vous décrire ici. Donc on part d'une collectivité à la base, on s'appuie de notre côté très clairement sur une collectivité, en considérant que c'est l'acteur légitime, finalement, pour rassurer le maître d'ouvrage pour qu'il passe à la rénovation. C'est un acteur qui est extrêmement intéressant. Collectivité voulant dire, dans notre langage, plutôt bassin de vie. On est souvent de l'ordre de l'interco ou de l'ordre du pays. Donc, on travaille avec la collectivité et ses partenaires pour mener une animation territoriale. C'est la collectivité qui porte la mobilisation des partenaires pour définir un objectif commun, dans le cadre d'une convention non financière. Quand on parle de partenaires, ce sont des organisations professionnelles, FFB, CAPEB, ça peut être les banques, ça peut être l'espace info-énergie, tous les acteurs, disons, qui travaillent dans le même sens sur le territoire pour la rénovation. Enfin, tous les acteurs qui travaillent sur la rénovation sur le territoire pour qu'ils travaillent dans le même sens. L'animation territoriale de la collectivité, c'est aussi mobiliser les artisans, mobiliser les maîtres d'ouvrage. Je vais vous dire donc comment et pourquoi. Je dirais que ça, c'est le premier axe de travail côté collectivité. Deuxième axe, c'est un axe de formation-action. Formation-action, c'est une action dirigée vers les artisans qui les prend finalement comme artisans individualisés sur le territoire, donc avec pas d'habitude forcément de travailler en groupement coordonné. Et on les attire en formation, comme Laure l'a dit, avec une carotte qui est finalement des chantiers pilotes. La collectivité identifie des chantiers, on dit aux artisans, on vous offre finalement la possibilité d'entrer en formation. Dans cette formation, vous avez des chantiers pour lesquels vous serez rémunéré pour les travaux et accompagné. Ça, c'est quand même assez sympathique, ça attire pas mal de gens, pas mal d'artisans. Par contre, il y a forcément des engagements. Les engagements en contrepartie, c'est vous acceptez de travailler en groupement avec des compétences obligatoires. Donc, elles nous ont été demandées ce matin, donc je vais les dire rapidement. L'isolation de toiture, donc sous comble, sous rampant, l'isolation des murs intérieurs, extérieurs sous enduit, extérieurs sous bardage, le sol, l'isolation des sols, les ouvrants, chaudière, ventilation, chauffage, ventilation, et on a également un poste électricité qui est dans le lot. Donc il faut que l'ensemble de ces compétences soient représentées au sein des groupements, avec un pilote, ce qu'on appelle un pilote, qui est une des entreprises du groupement, qui a un petit peu pris le leadership sur les autres, qui n'est pas un maître d'œuvre, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'a pas la responsabilité du chantier, c'est un facilitateur qui est interlocuteur du maître d'ouvrage. donc l'interlocuteur privilégié du maître d'ouvrage pour que les autres du groupement n'aient pas à chaque fois à discuter avec le maître d'ouvrage. C'est plus simple côté maître d'ouvrage. Donc ça simplifie l'approche technique, je dirais, enfin, la vision technique du maître d'ouvrage. Cette formation action, elle a pour objectif d'aboutir à ça, une offre de rénovation performante à un prix qui est maîtrisé. Ça, c'est vraiment la logique de Dorémy. Et aujourd'hui, donc Laure en a parlé, c'est une machine à faire des groupements et à les former qui est extrêmement intéressante. Et ça, c'était l'objectif de base du projet, c'était ça. Donc, je vous l'ai mis sous une autre forme. La collectivité d'un côté avec un poste clé qui est l'animateur territorial, la formation action de l'autre avec un formateur qu'on appelait formateur Dorémy, qui est une personne extrêmement importante, hein, c'est un type formateur expert. Aujourd'hui, donc, c'est Olivier Sidler et Nertec qui font ce travail-là sur les chantiers. Et donc, ce formateur-là accompagne les artisans dans leur travail de coordination, de conception, d'identification des solutions à mettre en œuvre, de mise en œuvre, du coup, concrète sur le terrain et d'optimisation des prix. Au niveau du déroulé, je dirais, de Dorémy, aujourd'hui, on est en train de tester, mis à part sur la Biovallée. On est en train de tester sur deux autres territoires le dispositif depuis le début de cette année. Donc on se considère toujours en expérimentation et on va l'être encore pour un petit moment parce qu'il y a pas mal de cas différents sur les territoires. Aujourd'hui, donc sur Valence Roman Agglomération et le Pays de l'Ardèche Méridionale, deux expérimentations. Sur Valence Roman, sur les deux en fait, hein, en quelques semaines, on a réussi à créer des groupements avec une seule session de formation, alors qu'il en avait fallu trois en Biovallée, aussi parce que ce sont des territoires adjacents. L'information a un peu percolé et du coup les artisans se sont un petit peu préparés. Donc quand ils sont venus déjà dans la salle, il y avait des pré-groupements, même s'ils ne nous l'avaient pas dit comme ça. Donc ça c'était plutôt sympathique. Et du coup on a 4 groupements sur Valence et 3 groupements sur le Pays de l'Ardèche qui ont commencé aujourd'hui, sur le Pays de l'Ardèche méridionale, qui ont commencé aujourd'hui à faire des analyses sur chantier, donc en phase de vie, ce qu'on appelle la phase de vie. Et pour certains qui ont commencé, enfin pour un groupement qui a commencé la phase travaux, donc un accompagnement sur les travaux directement. Voilà, donc la logique de déploiement de notre côté, c'est de se dire on va former d'un côté les animateurs, ça c'est ce qui va avoir lieu à partir de fin octobre sur une session en Biovallée pour les animateurs territoriaux. On transfère les outils finalement qu'on a développés dans le cadre de Dorémy. Et deuxième outil qu'on propose, qu'on est en train de monter, c'est une formation pour les formateurs Dorémy, donc là qui aura lieu l'année prochaine. L'idée étant qu'on puisse directement rendre autonome les territoires avec ces deux postes clés, et qu'ensuite la plateforme, enfin, le dispositif Dorémy, qui est une plateforme finalement pour les maisons individuelles, puisse se déployer tout seul. Pour info, on travaille également avec la région Alsace, donc là sur une approche un peu plus large que simplement le dispositif Dorémy. C'est sur la complexité d'accès au financement. Du coup, Laure a évoqué cette complexité. Ce qu'on fait avec la région Alsace, c'est travailler sur un mécanisme de simplification financière. Je vais peut-être le décrire comme ça. Peut-être juste avant, je reviendrai sur l'offre unique. Je finis là-dessus après. Ce que je voudrais dire en termes d'intérêt du dispositif et de plus-value, c'est que quand on part sur une rénovation globale de ce type, avec une optimisation des prix, on se rend compte de quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on arrive à vraiment effondrer la facture énergétique. On est sur des divisions par 4, 5, 6 de la facture de chauffage, ce qui est quand même extrêmement intéressant et ce qu'on ne peut pas garantir sur des approches par étapes. Et l'intérêt de cette réduction, c'est qu'on arrive, quand on est sur 400 € du mètre carré, en rénovation thermique performante, on arrive finalement sur des montages financiers avec les volumes financiers actuels, éco-prêt à taux zéro, 30 000 euros, mécanisme d'aide lié au certificat d'économie d'énergie, lié au crédit d'impôt parfois, etc. On arrive finalement en cumulant ces différents soutiens à avoir des remboursements de prêts après travaux qui sont du même ordre, on va dire, que la facture énergétique, la facture du chauffage avant travaux. À partir du moment où vous êtes là, vous avez un effet de levier extrêmement puissant pour massifier la rénovation. Alors si vous payez à peu près la même chose après travaux en remboursement de prêt et en résidus de facture de chauffage qu'avant travaux en chauffage, qu'est-ce qui vous empêche de faire les travaux ? Donc, un des gros enjeux aujourd'hui, c'est de définir des mécanismes financiers qui permettent d'atteindre systématiquement cette approche. Ça, c'est un vrai enjeu, alors qui malheureusement n'est pas, qui ne peut pas être porté à l'échelle locale, parce que c'est trop compliqué. Et donc, du coup, ce qu'on pousse de notre côté pour essayer d'avancer, c'est de simplifier tout le mécanisme financier et d'aller vers ce mécanisme on va dire très souple, qui permet de faire un équilibre entre le remboursement de prêt et la facture de chauffage avant travaux. Et c'est ce qu'on appelle le OUF. Donc le OUF, c'est l'offre unique de financement. Donc ça efface finalement, tu montres souvent tes petites pochettes, mais ça efface finalement les 6, 7, 10, 12, 15, 18 mécanismes financiers différents, avec à chaque fois des CERFA, des contraintes, ce que vous avez le droit de faire, ce qu'il ne faut surtout pas faire, etc. Ça l'efface finalement par un système unique de financement. Donc c'est ce qu'on est en train de tester avec l'Alsace aujourd'hui. Et ça permet, en termes de gestion, finalement, ça peut permettre, on va dire, en termes de gestion, de contrôler toute la partie durée de validation. Ça peut également permettre d'identifier les besoins de préfinancement et les assurer derrière. Donc c'est un mécanisme qui doit répondre à tous ces questionnements. C'est en cours de développement. Donc on va voir en début d'année prochaine si côté Alsace ça peut fonctionner. Je m'arrête là pour laisser la place aux questions. Merci de votre attention.